Ouais. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. Ben, l'Avalanche du Colorado hier a défait les Sabres de Buffalo par la marque de 6-1. Samuel Girard de Roberval a marqué un but dans la partie. Maintenant, comme à tous les mercredis, je vous donne le classement à POC sur le site internet classementapoc.com qui sera terminé le classement des équipes provinciales en région. On retrouve les Castors de Dolboum-Sisny au 6e rang. Également les Ambassadeurs de Chibougamau au 45e rang et le Marcos Pub de Saint-Félicien occupe tant qu'à eux le 62e rang. Niveau junior, maintenant, on retrouve la formation des Éperviers de Normandin au 28e rang. Également, ben, on voit les Sabres de Roberval occupent la 18e position. Et en fin de semaine aura lieu au Mont-Lac Vert, c'est pour la deuxième année consécutive. Ben, le centre du ski Mont-Lac Vert va offrir les championnats CEMAC qui réunit 150 skieurs d'un peu partout dans la région, également de la Mauricie et de l'Abitibi et de la Côte-Nord. Et faites noter qu'il y aura des skieurs de Saint-Félicien et qui seront en action. Le sport local et régional à danradiosport.com sur l'équipe.